Inch'Allah. Billecker c'est fait belle, tu la serras pas avec ton Opel. Les meufs comme ça c'est tu lui payes, ou alors on double, on s'occupe d'elle. Elle veut le féfé dans son cortège, les Kalachnikov, les balles dans le ciel. Pour lui prouver que tu l'aimes, elle veut le mariage à 30 000 euros. En mettre plein la vue à toutes ses copines. Va les rejoindre ma benne. Et tu profites. De rêve. Faites l'amour par la guerre, oui je suis pour la trêve. Frotte ma lanterne, j'exauce tes vœux. Je vais pas faire le clan d'eau, dire que t'as de beaux yeux. T'as de beaux yeux. Sa tête touchait le plafond, les stromboscopes. C'est Louboutin, faisait de elle un canon. Elle m'a laissé son hume, je l'ai vu sous le soleil. Je m'en doutais, l'amour est dans le pré. Elle aime les plaquettes abdominaux, eh, pas de rhum dans son mojito. Ok, difficile sans détecteur de mytho. Si elle me blesse, je finirai chez le veto. Je t'ai fait confiance, ma belle. Je t'ai pris sous mon aile. Je ne savais pas que t'allais finir par te faire la belle. On cherchait pas la même chose, pas la même chose. Les bouchons de liège ont fait tourner la tête. Et dites profiter. Yeah.